trop tempête, on ne raconte pas d'histoire, celle que j'écris c'est la mienne. J'assume le fait de faire partie de la classe moyenne, celle qui roule en R19, en Porsche Cayenne. T'as compris, celle qui à la limite ne sait jamais vraiment à quoi s'en tenir, à sentir le mépris des uns, la jalousie des autres. Dans la musique, la haine n'apporte que des fausses notes comme dans la vie. Et ça tu sais que c'est grave, on ne fait plus attention. Seuls les accidents arrivent, là où règne un climat de tension. Moi, mes darons sont fonctionnaires, emploi qui t'assure un salaire constant qui stagne et n'aura jamais rien de mirobolant. Te permet de manger, dormir et payer l'électricité. Je ne te parle pas des autres factures, elles donnent envie de se suicider. Car les aides sociales n'existent pas dans ma classe et les impôts nous font prendre cher dans la face. Est-ce que tu captes le message? Et sache qu'on peut se faire traiter de riche ou pauvre selon le contexte. Et c'est pour clarifier que je pose mon texte. C'est vrai que ma classe moyenne n'est pas aidée, mais je dois reconnaître qu'elle m'a offert de bonnes conditions pour étudier. Moi, je ne viens pas revendiquer le fait d'être une raclure, je viens juste poser mes mots et dire ce que je pense. C'est dur d'entendre dire que je viens pas de la rue où je rappe. Bah si je rappe, ma liberté d'expression avant que le temps me rattrape. Man, je ne mens pas comme beaucoup de rappeurs qui ne s'assument pas. Et pour bien me faire comprendre, je me surpasse. Je viens de cette classe sociale que l'on appelle moyenne, elle qui contient la majorité du peuple mais qui n'en vaut pas la peine. Celle qu'on oublie, qu'on néglige, pleine de gens un peu dangereux. Mais moi je viens vous réveiller et ma rage fait baver les envieux. Financièrement c'est vrai, on est comme la majorité des Français. Tu nous crois sans grande difficulté, mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'on vienne pas nous reprocher de ne pas avoir grandi dans le ghetto. Putain, je vis entre deux mondes, un peu comme le cerveau coincé dans les taux. Non, je ne suis pas un scarlat, je n'ai pas grandi en bas des tours. Je ne suis pas non plus un malfrat, mais mon parcours vaut le détour. Je t'explique pour que tu comprennes, toi qui viens de la Thèse. J'ai traîné dehors, mais c'est vrai que dehors, bah c'est pas mon adresse. Bon, mes parents ont une meilleure situation que les tiens, mais n'ont pas d'aide. Nous, le gouvernement nous taxe, ne nous donne rien, c'est parfois raide. Ainsi, j'ai jamais de thunes, mon porte-oseille est toujours sec. Je ne suis pas né dans la rue, mais j'ai grandi dans le Québec. Les parents travaillent pour les salaires d'une institutrice et d'un ouvrier. Frappés par le chômage, ils se sont bougés pour esquiver la NPE, le banquier, comme pas mal en France. Nous, on fait partie de classe moyenne, ni riche ni pauvre. Je comprends pas pour beaucoup ça pose problème. Au final on a le même nombre d'euros à la fin du mois sur le compte. Et on est tous méprisés pareil par monsieur le duc ou monsieur le comte. Au bahut les bourges me disent mais t'es carrément repos. Ma banlieue est calme, dans la rue on me dit t'es pas ghetto. Ça veut dire quoi je suis pas ghetto? Je vends pas de cocaïne. Oui j'avoue j'évite les trafics, je préfère travailler à l'usine. Comme le daron de la majorité j'ai bossé à la chaîne sur une machine. Je fais des études et je le finance avec mes contrats d'intérim. Tu l'as compris c'est du rap, de prolétaire qui sort de ma bouche. Et même si je ne crie pas c'est un braco que personne ne bouge. Qu'on ne me fasse pas chier à tester ma stricte crédibilité. Je viens d'un milieu baisé loin d'être aisé, je le dis car ma vie c'est vérité. Je viens de cette classe sociale que l'on appelle moyenne, elle qui contient la majorité du peuple mais qui n'en vaut pas la peine. Celle qu'on oublie, qu'on néglige, pleine de gens un peu dangereux. Mais moi je viens vous réveiller et ma rage fait baver les envieux. Financièrement c'est vrai, on est comme la majorité des Français. Tu nous crois sans grande difficulté, mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'on vienne pas nous reprocher de ne pas avoir grandi dans le ghetto. Putain, je vis entre deux mondes, un peu comme le cerveau coincé dans les taux. We'll be right back.